différence. Il est 11h05, la panique revient au Mangin Palace. Non, Philippe Collin, je ne vous ferai pas l'accent québécois. Ah, et pourtant je m'y attendais à ça. Mais bon, merci beaucoup, Fleur Citruc, c'est parti. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 52. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 12 novembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Nouvelle-France, tu es sirop d'érable et pancakes, tu es castor et caribou, tu es Montréal et Saint-Laurent, tu es ma cabane en bois et tu es aussi... Quand deux personnes s'aiment énormément, comme René et moi, on s'aime énormément... On a du succès ensemble, on fait ce qu'on aime, on vit un conte de fées. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es Québec, la plus belle province canadienne. Ce week-end, comme chacun sait, nous commémorons l'armistice de la Première Guerre mondiale. Mais qui se souvient qu'à l'époque, 35 000 Québécois sont venus nous prêter main forte ? Personne, hein ? Alors, à l'heure où nous célébrons en France nos derniers poilus, la panique au Mangin Palace, elle, a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de rendre hommage à nos cousins du Québec. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de la belle province du Québec. Pour commencer, de Jacques Cartier à Marcel Béliveau, il faut retracer l'histoire de cette contrée francophone du nord de l'Amérique. Ensuite, nous nous intéresserons à la manière de vivre aujourd'hui de nos cousins québécois. On enchaînera justement sur une petite surprise de Gad Elmaleh qui viendra nous exposer ce qu'on peut voir présentement à la télévision canadienne francophone. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons les coulisses de cet exil forcé d'Alain Juppé qui a trouvé refuge au Québec pendant plusieurs mois l'an passé. Et enfin, te raconter ce grand voyage au Canada qu'ont vécu Monique et Jean-Claude la semaine dernière avec cette excursion mémorable en traîneau en direction du Grand Nord. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et en avant pour une bonne turlue, tabarnak. Need some. Everybody needs somebody to love. Le tout le monde a besoin de quelqu'un à aimer. C'est le cri du cœur lancé en 1980 sur la BO des Blues Brothers. Un film culte plein de belles turlutes. Autrement dit, pour nos cousins québécois, de jolies chansons entraînantes. Alors aujourd'hui, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer une émission à ce territoire grand comme trois fois la France, coincé entre les États-Unis et les mers boréales, à savoir le Québec. L'histoire de ce qu'on appelle la Nouvelle-France commence au XVIe siècle quand François Ier décide d'envoyer une expédition maritime dans l'Atlantique Nord. Une expédition commandée par Jacques Cartier qui débarque en 1534 dans ce Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, en ce temps-là, c'était très loin, le bout du monde. Un grand rêve de marin, la route est longue pour aller la chercher, la liberté. Jacques Cartier, c'est donc le premier explorateur officiel du Canada, un vaste territoire alors peuplé d'Amérindiens et d'Inuits. Mais la colonisation française ne commence réellement qu'un demi-siècle plus tard, en 1808, quand Samuel de Champlain fonde sur les rives du Saint-Laurent la ville de Québec. Et M. Champlain, il est plein d'espoir sur l'avenir de sa ville. Dans les rues de Québec, par temps gris, par temps sec, je m'en venais au vent, cœur joyeux, en rêvant. Bien des gens me sourient en pensant à Paris. Moi j'ouvre un large bec pour sourire à Québec. En 1608 et pas en 1808 bien sûr. Mais le sourire des premiers colons disparaît rapidement. Hiver rigoureux, Iroquois agressifs et scorbut font de terribles ravages. De plus, le seul commerce vraiment viable, celui de la fourrure, n'est pas suffisamment attractif pour entraîner une immigration spontanée. La première véritable tentative de colonisation se fait sous l'égide de la Compagnie de la Nouvelle-France fondée par le cardinal Richelieu avec l'envoi en 1628 de 400 colons. La France espère alors peupler ses nouvelles possessions. Ils ont hissé la grand voile, ils ont hissé la grand voile, et le bateau, coula, allez au lit. Oh. Et oui, dommage pour eux, car les 400 colons de Richelieu furent interceptés dans la baie du Saint-Laurent par la marine anglaise. Ainsi, dès les origines, la présence française a du mal à s'imposer dans le nord de l'Amérique. L'histoire de la Nouvelle-France, c'est un peu l'histoire de la rivalité franco-anglaise. Et quand, en 1763, la France perd la guerre de 7 ans contre la Grande-Bretagne, c'en est fini de la Nouvelle-France qui devient alors britannique. C'est donc sous domination anglophone que les descendants des colons français doivent lutter pour préserver leur identité. Ainsi, en 1867, avec la mise en place de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, le Québec est une simple province dans la Confédération canadienne. Mais c'est seulement un siècle plus tard, dans les années 1960, avec la Révolution tranquille, que le souverainisme progresse. Alors, quand le 24 juillet 1967, au balcon de l'hôtel de ville de Montréal, un général président se laisse aller, la foule exulte. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Vive! Vive le Canada français et vive la France! Des fils de Français, des Dubois, des Baudouins, des fils de Normands et de Bretons ont reçu, à travers les discours du chef de l'État, la confiance du vieux pays d'où leurs grands-parents sont partis. C'est essentiel, c'est décidé, c'est déjà appliqué. La tâche commune des Français séparés par l'Atlantique va s'intensifier, prévient le général de Gaulle. Des accords doivent profiter aux deux pour leur marche en avant. Et cela pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre française. Et en effet, après le discours du général de Gaulle à Montréal en 1967, donc, l'œuvre française progresse au Québec. La victoire du Parti québécois de René Lévesque aux élections de 1976 conduit à l'instauration du français comme seule langue officielle. Alors, pourquoi ne pas continuer et obtenir la souveraineté du Québec ? Eh bien, au référendum de 1980, le non l'emporte. Nouvelle tentative en 1995. France Inter. Il fait moins 0 degré en ce moment à Montréal. Un froid qui s'est soudain abattu sur les souverainistes du Québec. Ils ont perdu, c'est non. La famille Canada reste unie. Le Québec ne deviendra pas souverain. Il reste l'une des 10 provinces du pays. Belle, certes, mais province encore. Le non l'emporte avec 50,6% des suffrages contre 49,4% au oui. Participation tout à fait exceptionnelle, 93%, qui témoigne de la passion qui a animé toute la campagne. Jacques Parizeau, le premier ministre du Québec, veut y croire encore pour la prochaine fois. Restons calmes, mes amis. Résistons aux provocations. Comme disait il y a quelques jours le premier ministre du Canada, on va en manger une belle. On va en manger une belle. Vous n'avez pas idée qu'est-ce qu'ils vont nous faire baver. Résistez à ça. Soyons calmes. Souriant, pas mouton, souriant. La prochaine et pendant pas longtemps. On va l'avoir, notre pays. C'est clair, tu l'as mauvaise quand tu as perdu à 0,6 points, et ça à cause de quelques anglophones squatteurs. Mais bon, si aujourd'hui l'idéal souverainiste semble être un peu mis de côté, tout reste possible dans l'avenir. Car il ne faut pas oublier que pour les surprises, les Québécois, ce sont les meilleurs. Au Canada, l'émission Surprise Surprise, savamment orchestrée par le célèbre Marcel Béliveau, est un franc succès. Tout à fait Nicolas, et Marcel Béliveau l'a très très bien compris. C'est l'humour canadien dans ce qu'il a de plus subtil, de plus intelligent. Hein, loin des vulgarités télévisuelles de ces messieurs Bastien et autres. Hein, humour caca pipi prout, je chie dans ta bouche. Hein. C'est pourquoi j'ai accepté de me prêter à l'une des facéties de Marcel. Oui. Il m'a demandé de piéger mon ami Mike Tyson. J'ai fait dire à Mike qu'un boxeur canadien l'avait traité d'épouvantable babouin eunuque. Mais rassurez-vous, le combat n'aura évidemment pas lieu parce que nous allons enduire les chaussures de Mike d'une colle ultra forte qui l'empêchera littéralement de bouger. Le voilà. Alors, une petite erreur d'impression à signaler sur les pots de colfort. Le temps de séchage n'est pas de 1 minute, mais bien de 10. Et oui. Bon, voilà. Allez, en vous remerciant, bonsoir. Alors voilà, le Québec et ses 7,5 millions d'habitants est une magnifique terre de surprise, très proche de nous. D'ailleurs, par sa population, Montréal est la 4e ville francophone dans le monde, une ville où, d'après certains, marcher en hiver, ça rend solitaire. Je marche souvent dans la ville Montréal en hiver, ça rend solitaire. Pas un sou en poche, que des cigarettes, les refrains s'empilent dans ma tête. C'est le bonheur quand j'aime. Aujourd'hui on a... Angleterre. Ici à Montréal, il neige et de beauté a gelé toute douleur. Rappelle-moi le jour de tes 25 ans. Si j'ai l'argent, je te rejoins au printemps. Gère, c'est ce que chante le jeune Québécois Dumas sur son album intitulé « Le cours des jours ». Gère, un titre idoine pour cette émission consacrée aux grands espaces canadiens ce matin. Alors justement, après avoir survolé l'histoire du Québec, toujours en direct du Mangin Palace, poursuivons maintenant notre randonnée canadienne en nous intéressant quelques minutes à la manière de vivre présentement de nos cousins québécois d'aujourd'hui. La province du Québec compte actuellement 7 600 000 habitants, donc. Et il est difficile aujourd'hui, mon ami, de parler de ces Québécois sans évoquer le rôle prépondérant qu'a joué l'Église catholique dans l'histoire et dans l'évolution de cette société. Il faut savoir que les premiers colons francophones qui se sont installés dans cette belle province d'Amérique du Nord étaient tous catholiques. C'était obligatoire. D'ailleurs, l'immigration fut très sélective. À l'époque, pour avoir une cabane au Canada, Lynn Renault, par exemple, aurait dû se transformer en grenouille de bénitier. Du coup, la puissance de la hiérarchie ecclésiastique a longtemps dominé les mentalités de la population québécoise. Alors, même si l'influence de l'Église au Québec n'a cessé de s'essouffler tout au long du XXe siècle, et c'est con ça, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui encore, certains Québécois ont conservé des réflexes tout droit sortis des Saintes Écritures. Que dire, par exemple, de la réaction de ce père qui découvre un beau matin que son fils Ziggy n'est pas tout à fait un garçon comme les autres? Après tout ce qu'on lui a donné, c'est normal que ça nous arrive à nous autres, ça. Ça peut arriver dans n'importe quelle famille, c'est pas de la faute à personne. En tout cas, on va y régler son problème tout de suite, parce que son problème, là, il est là, là, dans la tête, là. Quand t'es pas normal, tu vas te faire traiter. La nature, elle se trompe pas, elle la fait pas entre les deux. C'est un gars ou c'est une fille, that's it. Faut aller payer un psychologue, s'il faut. Faut être malade, passer sa vie à se tremper le pinceau d'une paire de fesses. La mémoire courte, je te ferai remarquer. Les autres, c'est pas pareil. C'est juste une fois. Une fois? Une fois ou deux, je me rappelle pas. Hey, moi, je m'en rappelle. Et voilà, c'est toujours pareil. Chez nous, comme au Québec, ce sont souvent les gardiens de la vertu qui sont les plus pervers. Cela dit, attention, tout comme chez nous, les nouvelles générations de Québécois ont su prendre congé aujourd'hui de cette vision réactionnaire du monde moderne. Tiens, durant l'hiver par exemple, les nuits sont longues et glaciales à Montréal. Et pourtant, qu'est-ce qu'elles sont belles! J'aime les nuits de Montréal. Pour moi, ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante. Il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux. Eh oui, malgré le froid de canard, les nuits sont torrides au Québec. D'ailleurs, les Québécois ont dû apprendre à vivre avec ces températures glaciales. Très vite, ils ont su adapter leurs loisirs à ce terrible climat, et ce, dès leur plus jeune âge. Dès l'âge de 3 ans, tous les jeunes Québécois savent patiner. À 12 ou 13 ans, ils possèdent déjà les gestes parfaits du hockeyeur. Ils n'ont pas de problème sur la glace. Ils oublient qu'ils se déplacent sur des patins. C'est comme ça aujourd'hui au Québec. Si t'es OK, t'es in, t'es bat. Et puis, avec ce grand froid, les Québécois ont également appris à développer un sens inné de l'hospitalité. On se les pèle dehors, mais il fait chaud à l'intérieur. Leurs demeures sont souvent chaleureuses. Bref, ils savent recevoir leurs convives. Tabernacle, j'ai magasiné pour le souper. On va pouvoir passer sur la dure pour la collation frugale. Je vais te servir dans la soucoupe. Fais bien attention de ne pas renverser dans la tosse. Dans la soucoupe. Attendez, je comprends pas. On fait pas comme à Marseille, comme chez moi. Par exemple, vous servez pas un apéritif avant un petit pastis, non? À tabernacle, non. Chez nous, le fortifiant, on l'ingère a posteriori. Parce que chez les Linvers, on fait tout à l'envers. Ah, d'accord. Alors, chez vos voisins, les Trouducs, ils font comment? Ah, ils mangent pas. Ils supposent. Oui, être québécois, c'est une autre façon de vivre, à la fois si proche de la nôtre, mais également si lointaine. En gros, ce sont nos cousins, donc. Du coup, de nombreux Français, plus souvent l'été d'ailleurs, décident d'aller passer leurs vacances au cœur de cette belle province francophone et canadienne. Ainsi, par exemple, dans cette petite bourgade au sud du Québec, au bord du lac Massawippi, la vie quotidienne des villageois est rythmée par de nombreuses rencontres estivales. Ils sont habitués à en voir passer des personnalités de la politique ou du showbiz, alors le village reste plutôt calme. De temps à autre, les 800 habitants guettent le couple présidentiel. Mireille, une commerçante, n'a pas résisté, elle s'est approchée discrètement de l'hôtel. Comme bien des curieux, nous sommes passés en face de l'auberge attelée, juste pour voir si on verrait pas M. Chirac. Et on l'a vu à l'extérieur, il était très beau. Très beau, très élégant. Et c'est également pour être très belle, très élégante que Bernadette Chirac a fait refaire son brushing dans un grand salon d'une ville voisine. C'était en toute discrétion après la fermeture vers 20h. Licia, une employée, n'en revient pas. Elle était très surpris qu'elle ait appelé elle-même. Au début, on pensait quasiment que c'était une blague. Elle lui a expliqué à la coiffeuse ce qu'elle voulait et puis lui a fait là, sa mise en pied habituelle. Elle lui a pas coupé les cheveux, elle a seulement fait un brushing. Elle était vraiment, vraiment contente. Des habitants flattés de cette nouvelle visite, il y a 3 mois, ils avaient déjà vu le Premier ministre français. Jean-Pierre Raffarin était descendu dans le même hôtel lors de son voyage officiel au Canada. Eh ben, ça a l'air très sympa, dis donc, ce petit village québécois. Ça donnerait presque envie d'y aller, non? Mais bon, attention, être québécois aujourd'hui, ce n'est plus uniquement être un bûcheron dans un bled paumé au milieu des forêts et des caribous. Non. Comme tous les jeunes Européens, ceux du Québec ont de l'ambition désormais. Ils veulent conquérir le monde et porter haut les couleurs de leur belle province. Mais l'ambition, Roque Voisine, c'est de conquérir l'Amérique? L'Amérique, oui, mais l'Amérique fait partie du monde. Il y a aussi d'autres territoires, vous savez. Mmh. On a sorti l'album au Canada, ça va bien. On est venu ici, on va travailler pendant un petit bout de temps. Ouais. Je retourne au Canada, on va revenir en Europe. Et parallèlement à ça, on va travailler les Américains, voir si ça les intéresse. Ça. Vous vivez à Los Angeles aujourd'hui? En grande partie. Mais on vous connaît, vous faites des radios, non, des télés? Non, pas encore. J'ai filé au Québec pour rencontrer Roque Voisine. J'ai trouvé tellement beau mec que j'ai pris 3 aspirines. Ma maman avait raison, j'aurais dû me faire bûcheron. Eh oui, on ne rivalise pas avec Roque Voisine. Alors maintenant, pour être un peu plus complet sur la vie quotidienne des Québécois, il faut évoquer ici, je pense, ce que nous propose chaque soir la télévision canadienne francophone. Le mieux, je crois, c'est d'écouter Gad Elmaleh nous en parler. Tu vas voir, ce sont vraiment nos cousins, nous ne sommes guère mieux. On découvre ça juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Bonsoir, audience. Ce soir, à qui veut gagner de l'argent en mars, nous retrouvons Guy Saint-Hilaire. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Marcel. Je rappelle à l'audience que la dernière fois, vous êtes parti avec 100 $. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de $. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez? Disons que si j'arrive à ce niveau du jeu, je pense que je quitterai ma femme et que je me paierai des putes de luxe. Mais comme je vous comprends, on joue à présent, mon cher Guy Saint-Hilaire, pour des putes. C'est parti, on joue à qui veut gagner de l'argent en mars. Question à 800 $, Guy. Lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre, on dit, petit A, que c'est un pancake qui est tombé dans la neige avant le 31 décembre? Petit B, que c'est une kippa surgelée? Petit C, que c'est un frisbee comestible? Ou encore D, la réponse D? Sans hésitation, réponse C, une kippa surgelée. C'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille, Marcel. Ah non, c'est déjà la fin? Non, c'est mon char qui est parqué en double fil. When you first left me, I was wanting more. But you were talking Smile. C'est ce que chante l'espiègle Lily Allen sur son album intitulé All Right Still. Smile, sourire, c'est un peu ce que tu risques de voir sur les visages de nos accueillants cousins québécois. Mais bon, sourire, c'est aussi ce que tu feras en écoutant leur accent. Alors, pour poursuivre notre exploration du Québec, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin qu'il était grand temps, à 11h33, de te raconter cette journée incroyable, celle qu'a vécue Alain Juppé le 2 août 2005, c'est-à-dire le jour où il est arrivé au Québec. Et oui, souviens-toi. Après avoir été condamné à 14 mois de prison avec sursis et à un an d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, Alain Juppé était parti en cavale, enseigné au Québec. Le départ de Juppé, ça a laissé un grand vide. Surtout pour président Chirac qui a toujours rêvé de reprendre le meilleur d'entre eux comme Premier ministre. Alors, le jour du départ de Juppé, président Chirac, en vacances à Brégançon, a vu son rêve brisé. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. C'est donc le 2 août 2005, accompagné de son épouse Isabelle, qu'Alain Juppé arrive à Montréal. À peine débarqué de l'avion, Alain se rend directement à l'ENAP, l'école d'administration publique, où il doit rencontrer ses collègues. En effet, pendant son exil, Alain va assurer un cours intitulé « Les relations franco-québécoises au XXIe siècle ». Et devant ses collègues, Alain veut montrer sa maîtrise du sujet. Les Mohawks n'ont pas de querelle avec les Français. Ils ont troqué la fourrure avec les Français. Maintenant, les Français amènent Huron, Ottawa et Abenaki en terre Mohawk. Alors, les Mohawks vont combattre les Français et les Hurons. Je parle pour les Mohawks des deux rivières, des six nations. Prenant rapidement conscience de ses lacunes, les autres professeurs québécois demandent à Alain Juppé de changer de sujet. Alain propose alors éthique et politique, mais là aussi, c'est refusé. Vexé, Juppé demande des explications. Ce n'est pas un nouveau procès qu'on veut faire à M. Juppé, c'est vraiment le contexte ici au pays qui ne se prête pas du tout à ça présentement. Il y a une crise de confiance envers l'État, envers la fonction publique à cause de corruption qu'il y a eu dans les dernières années. Parce que c'est sûr que M. Juppé est quand même, pendant sa sentence, le jugement est très clair. On a lu le jugement de la Cour de Versailles. Il a trahi les Français, comme dit le juge. Alors maintenant, toute la réputation de l'institution, présentement, perd toute sa crédibilité sur la place publique ici. On a tout perdu la réputation de l'institution dans un geste comme ça. Bon, d'accord. Finalement, Alain Juppé fera son cours sur État et mondialisation. C'est moins risqué. Mais cet accueil assez glacial le déprime. On lui avait pourtant vanté l'hospitalité des Québécois. Alain se dit qu'en allant loin de la ville, il trouvera peut-être quelqu'un qui ne le juge pas. Alors, il quitte Montréal et part en balade. Hey, je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. La vie use. Hey, j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Après avoir roulé plusieurs heures à travers les sombres forêts de conifères envahies de moustiques, Alain est un peu fatigué. Il s'arrête dans ce qui lui semble être un restaurant pour routiers. Sympa. Alain Juppé s'assoit donc au comptoir et commande des pancakes au sirop d'érable. Pour sympathiser, comme il aime être aimable, Alain demande son prénom à la serveuse qui lui répond avec un large sourire. Je m'appelle Françoise, tu seras mon gars. Je serai banaise d'être Marida. Je te trouve loufoque, mais ça me plaît bien. Le seul truc qui me choque, c'est ton accent parisien. Alain se dit que tout de même, les choses montent un peu vite. Et comme Françoise ne semble pas le reconnaître, Alain décide de se dévoiler, d'être lui-même. Nous sommes en août 2005, il vient d'être condamné. Les Français ne l'aiment pas, sauf Chirac, et Juppé sait que ses cours à l'ENAP ne sont qu'un prétexte pour occuper son année d'inéligibilité. Du coup, Alain est très franc avec Françoise. Moi, je sais que je serai jamais Arnold Toynbee, ni Fernand Braudel. Tout ce qui me reste, c'est le sexe ou l'amour. On fait jamais vraiment la différence. Au fond, je ne sais pas ce qui me reste. C'est pour ça que le vice vient avec l'âge. La seule certitude qui nous reste, c'est la capacité d'agir de notre corps. Si j'aime, je bande. Si je bande pas, j'aime pas. Mais pour Françoise, l'amour n'a rien à faire là-dedans. Ah, ces maudits Français, avec eux, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, elle commence à le trouver un peu triste, son client. Et puis, un cours sur la mondialisation, c'est sinistre. Elle, si elle était enseignante, ses étudiants, ils apprendraient des choses bien plus intéressantes. Tout, vous sourit, tout sur le clito. Il y a le clito qui fait semblant pour ne pas décevoir Fernand. Il y a le clito très bruyant que les voisins écoutent en riant. Tout, vous sourit, tout sur le clito. Alain est sidéré. Elles sont vachement plus libérées que les Bordelaises, ces Québécoises girondes. Mais c'est au moment où la serveuse commence à dégrafer son tablier que Juppé est soudain pris d'un doute. Il pense à Isabelle, sa femme qui est sans doute en train de déballer les cartons dans leur cabane. Alain, il est ému en pensant au doux visage de son épouse aimante. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus. Non, il n'est pas question qu'il trompe Isabelle. C'est pourquoi Alain Juppé remonte Fissa dans son 4x4 et rentre à vive allure à Montréal pour retrouver sa femme dans le quartier chic d'Outremont. À peine rentré, Isabelle, inquiète, lui demande où il était. Alain lui répond, un peu cassant, qu'elle n'a qu'à lire son blog sur Internet comme tout le monde, elle y trouvera le compte-rendu de la journée. Mon bonheur tient pour beaucoup à la relation que j'ai avec les paysages qui m'entourent. Je ne me contente pas de les admirer, je fais véritablement corps avec eux. Les hommes n'auraient jamais dû perdre le contact avec la nature. Échanger, partager avec elle, c'est ça dont on a besoin. Je crois que si l'humanité veut survivre, il faut qu'elle comprenne enfin qu'elle ne doit pas vivre contre la nature, mais avec elle. Voilà, la première journée d'Alain Juppé au Québec s'achève. Il est tard et il doit préparer en urgence un cours sur la mondialisation. Mais désormais, Alain appréhende moins son séjour au Québec, car si l'hiver s'annonce long, il saura toujours où trouver la généreuse Françoise. Je croyais que l'hiver était plutôt glacial de Québec à Montréal. Mais l'accueil est très chaud, même si le froid est sec, de Montréal à Québec. Aujourd'hui, Alain Juppé est revenu en France et il est même redevenu maire de Bordeaux après avoir provoqué de coûteuses élections municipales anticipées. Mais Alain, il est serein maintenant, car si en France on est méchant avec lui, il sait ce qu'il lui reste à faire, retourner au Québec. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent. Car au paradis blanc du Québec en hiver, Alain Juppé sait qu'il sera bien accueilli droit dans ses moon boots. Et oui, en 30 ans de politique, Alain l'a bien compris, tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde, et surtout pas lui. Tout le monde veut être une star, mais personne veut être une planète. Tout le monde traîne dans les bars où personne n'est honnête. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Cash City. Tout le monde rêve à l'amour, chacun a son histoire de cul. Et quand revient le jour, tout le monde reste déçu. Tout le monde fait son petit numéro et danse dans son coin. Tout le monde fait le même rêve porno de se tenir la main. À Cash City, tout le monde veut être quelqu'un, car personne n'aime personne. Tout le monde veut être quelqu'un avant que le glam sonne. Cash City, c'est ce que racontait le Québécois Luc de la Rochelière en 1991 sur un album intitulé « Sauver mon âme ». Un titre anglais pour une chanson en français, c'est sans doute ça le Québec. Résister à la suprématie anglophone du continent pour sauver l'âme de la francophonie. Alors pour prolonger notre excursion outre-Atlantique chez nos cousins québécois, il est grand temps maintenant à 11h44, de retrouver nos deux aventuriers du Grand Nord, les trappeurs de pacotille que sont Monique et Jean-Claude. Ainsi, après avoir gardé la chatte de la voisine le week-end dernier, eh bien, dans la foulée, dès lundi, donc, nos deux héros ont enchaîné sur une semaine de vacances au Québec. Voilà des années qu'ils rêvaient tous les deux de découvrir les grands espaces du nord de l'Amérique. Ils ont donc pris l'avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À l'embarquement, Jean-Claude a évidemment hurlé « Vive le Québec libre !» et Monique, elle, durant tout le vol, était réellement euphorique. Paris-Québec, un pas de géant dans le ciel. Paris-Québec, dans ma mémoire tout est fidèle. Entre vous deux, toutes les vagues de la mer, la nuit danse sous mes paupières. Alors, après avoir passé deux ou trois jours à visiter Québec et à profiter des dernières douceurs du Saint-Laurent avant l'hiver, Monique et Jean-Claude ont décidé de s'offrir une petite excursion en traîneau vers le Grand Nord, tel d'authentiques trappeurs. Il s'agit d'un forfait de jours comprenant la location du matériel, les chiens, le traîneau, accompagné d'un guide, bien sûr, avec une nuit dans un igloo géant. Ainsi, jeudi matin, à l'aube, Monique et Jean-Claude s'installent confortablement à l'avant du traîneau sous une grosse couverture en peau d'ours. Allez, en route! Un claquement de fouet, allons en route, tout est prêt. Quand la lune luit, quand le jour s'enfuit, les trappeurs gaiement s'enfoncent dans la nuit. Les chiens esquimaux tirant le traîneau, tout en galopant font teinter leurs grelots. Et dans le ciel noir s'envole un doux chant d'espoir. Pilio, pilio, pilio. Les paysages sont splendides. Ils sont seuls au monde, même si Jean-Claude fait remarquer qu'ici, c'est inuit, comme il fait froid. À gauche, un gigantesque troupeau d'élans sur une étendue enneigée à perte de vue fascine Monique. C'est alors que le guide propose à Jean-Claude de poser quelques pièges près de ce cours d'eau qui n'a pas encore gelé, pendant que Monique, elle, s'occupera des chiens du traîneau. Nos deux trappeurs s'éloignent quand, une heure plus tard, Monique voit revenir Jean-Claude. Alors ? Ça a été. À peu près, mais ils ont encore fait pas mal de coupes à blanc là-bas. Et si ça continue comme ça, ils vont massacrer toute la forêt. C'est vraiment triste. Tu as trouvé quelque chose ? Oui, quelques martres. Et pas mal de castors aussi. Les castors, ça ne peut pas beaucoup. Non, non, je sais. Ils sont faciles à attraper. Il n'y a pas grand-chose d'autre là-bas. Ouais. Ouais, il faudrait que j'aille voir plus vers l'ouest, par là-bas. Le vent s'est donc levé. Désormais, il fait extrêmement froid sur ces contrées reculées du Québec. Monique et Jean-Claude ont repris la piste et le traîneau file à vive allure. Le guide dit alors à Jean-Claude qu'il faudrait peut-être pêcher un peu de poisson pour dîner ce soir dans l'igloo. Ils décident de faire une halte et creusent un trou sur ce lac gelé pour tenter leur chance. Quand tout à coup, Interloqué, Jean-Claude interpelle Monique. Viens voir, il y a un mec qui nage sous la glace. Voilà ce que Paul avait l'air pressé de me montrer. Le Wolfhills. Ce poisson semble avoir par moments des traits humains. Et un comportement aussi d'ailleurs, parce que il paraît très familier. Et animé par autant de curiosité à notre égard que nous en avons au sien. Visiblement pas insensible à nos caresses. Voilà des moments de complicité qui valent tous les discours. Monique se dit que décidément, ce Nicolas Hulot-là commence sérieusement à la gonfler. Il est partout cette semaine, même ce matin dans Panique. Ça suffit, merde. Cela dit, il faut déjà repartir. Il fait de plus en plus froid et ils sont encore plusieurs kilomètres à parcourir avant de rejoindre cet igloo géant perdu au milieu de nulle part qui sert de refuge pour les touristes. Les robustes Yuski courent sur la neige et conduisent Monique et Jean-Claude vers une étrange soirée. Ça y est, la nuit est tombée et ils sont enfin arrivés à destination. Pendant que le guide s'occupe de ses chiens, Monique et Jean-Claude se sont réfugiés dans l'igloo géant où il fait bien meilleur, alors qu'en réalité, il n'y fait que 0 degré. Jean-Claude prépare le dîner et Monique, elle, remplit son journal de bord. Toi, renard bleu, je t'aime un peu. Toi, castor blanc, passablement. Toi, caribou, beaucoup, beaucoup. Toi, noble élan, énormément. Marthe jolie, à la folie. Mais pas du tout, la peau du loup. Monique est décidément nulle en poésie. Le guide vient à peine de rentrer dans l'igloo que Jean-Claude lui propose un Yuski Coca. Le trappeur ne réagit même pas à cette blague pourrie du Jean-Claude. C'est à ce moment-là qu'entrent dans l'igloo deux étrangers frigorifiés. Monique n'en revient pas, elle n'en croit pas ses yeux, c'est René et Céline Dion qui, eux aussi, passent un week-end ici en amoureux. Très vite, Monique les invite à partager leur dîner et la discussion s'amorce. Dans cet igloo, Monique veut que Céline Dion lui raconte tout. J'ai pris le micro pour la première fois, mon premier show, j'avais 5 ans, au mariage de mon frère Michel. Puis mes frères m'accompagnaient, puis j'avais chanté pour la première fois en public. Puis c'était « Donnez-moi un peu de fil des aiguilles du coton, il n'en faut pas plus pour réparer un cœur en pièces. » J'aimais ça, c'était léger, c'était cute, c'était le fun. Elle est vraiment sympa, Céline, se dit Monique. Après le dîner, très vite, René désire se coucher car il est épuisé. Il s'enroule dans une couverture en peau de phoque et Monique ne tarde pas à l'imiter. Du coup, Jean-Claude se retrouve seul avec Céline Dion qui, une fois les deux autres endormis, lui confie une drôle d'histoire qui lui est arrivée récemment. En fait, je me suis embarquée dans une histoire un peu bizarre avec un gars. Invraisemblable. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un bar. La première chose qu'il m'a dite, c'est qu'il était temps que je rencontre un homme comme lui. Un vrai. Il a jamais fait l'amour avec moi, normalement. Il m'a toujours prise par en arrière, comme un homme. Avant lui, c'est quelque chose que je pouvais absolument pas supporter. Les premières fois, il me tirait les cheveux par en arrière, comme un cheval. Oh là, Jean-Claude ne sait plus trop quoi penser, ni que faire d'ailleurs. Mais il se dit que la Québécoise est à l'opposé de son climat, bouillonnante. Cela dit, il sent Céline Dion de plus en plus bizarre. Elle devient lascive et se rapproche de lui. Quand tout à coup, Céline dit à Jean-Claude « Ok, ça caille, mais bon, allez !» Là-dessus, dans cet igloo palace, c'est la panique pour Jean-Claude. Il pense à ce pauvre cocu de René, couché juste là. Il repousse alors Céline Dion qui, elle, ne se laisse pas démonter et lui sort le grand jeu. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Oh, tabarnak, dit René. Tu vas la fermer, Céline, on dort. Le lendemain matin, Monique, Jean-Claude et leur guide repartent très vite, très tôt, sans saluer Céline et son René, qui dorment toujours. Sur le trajet du retour, le guide a accepté quelques minutes de laisser les rênes du traîneau à Jean-Claude, qui encourage les chiens, et bah, comme il peut, hein. C'est nous, les Huskies du Pôle Nord. On traîne les traîneaux, on est toujours d'accord. C'est nous, les Huskies du Pôle Nord. Moitié chien, moitié loup, c'est bien nous les plus forts. Ainsi, quand ils sont rentrés en France hier soir, Monique et Jean-Claude ont retrouvé leur môme en train de mater le DVD de Titanic. Monique a immédiatement raconté qu'ils avaient rencontré Céline Dion au Québec. Jean-Claude, lui, a simplement confirmé l'info. Fin de l'histoire. Toujours est-il qu'après ce voyage québécois, Jean-Claude se sent plus que jamais l'âme d'un aventurier qui a beaucoup bourlingué. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papette, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota, et des calculs à Calcutta. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. Téhéran à Téhéran et au sauna à Sahana, j'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à Dôle, j'ai été lourde et à Lourdes. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin, j'ai été gentil à Port-Gentil. Et malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie, et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. L'aventurier s'autoproclame Jacques Dutronc en 1966, quelques mois seulement avant que De Gaulle, lui, ne s'aventure à proclamer « Vive le Québec libre ». Résultat, le chef du gouvernement fédéral canadien refuse de recevoir le grand Charles. Allez hop, retour à Roissy lui-même. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration chez nos cousins québécois. De Céline Dion en infomane à Jean-Claude en trappeur, du Mont-Royal au Rock voisine et du professeur Juppé en exil à Nicolas Hulot sous la glace, nous t'avons dressé un panorama pour le moins subjectif et volontairement caricatural de ce que peut être aujourd'hui le Québec. Alors, c'est quoi un Québécois ? Eh bien, c'est un francophone d'Amérique du Nord qui a un putain d'accent, mais qui en général chante très bien, sans doute grâce à un régime alimentaire à base de sirop d'érable. C'est surtout avec le Belge, parfois le Suisse, notre plus proche cousin. Alors, c'est normal qu'en famille, on se chambre un peu de temps en temps. D'ailleurs, le Québécois non plus ne s'en prive pas quand il parle des Français. Ils disent qu'ils dînent quand ils soupent, et il est 2 heures quand ils déjeunent. Au petit matin, ça sent le yaourt, ils connaissent pas les œufs bacon. En fin de soirée, c'est plus choucroute, magret de canard ou escargot. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'on goûte à leur putain de tête de veau. Un bout de paupière, un bout de gencive, un bout d'oreille, un bout de museau. Pour des papilles gustatives de Québécois, c'est un peu trop. Puis ils nous prennent pour un martien quand on commande un verre de lait, ou quand on demande la salle de bain, t'as quelle place s'il vous plaît. Et puis surtout, le Québec attire chaque année des dizaines de milliers de Français. Certains s'y installent, d'autres y passent leurs vacances, et nombreux sont ceux qui rêvent un jour d'aller faire un tour dans la belle province. Si j'avais les ailes d'un ange, je